les hangars résonnent encore. Les pas de Raiders qui laissent une trace. Une caméra en stream, une armée de regards. Bienvenue sur Raiderskill.tv. Le métal rouille sous les corps des tirs. Raiderskill traverse, silhouette sans peur. Le vent souffle comme les claviers des viewers. Chaque soir ils viennent voir tomber la poussière. Riders kill the fire in the frame. Streaming light, they whisper his name. In the night where the silence breaks, he's the storm, the wasteland wave. Un bruit dans la tour, un piège peut-être. Mais Raiderskill sait lire les ombres. Sur l'écran, le chat s'agite, hypnotique. Le serveur se plie, il ne cède jamais. Regardez-le. Le fusil posé, mais la tension palpable. Chaque stream, chaque geste, millimétré. Vous êtes sur Raiderskill.tv. Raiderskill, the reason why. La tôle vibre, les mines chuchotent. Raiderskill récolte sous les drones. Un rire discret, un kill propre. Et le stream rugit comme mille tambours. He's the rhythm of digital flame. No two nights ever feel the same. From the tower to the oil sea, we all wait for Raiderskill's decree. Dans le bunker, les lueurs dansent. Un viewer écrit, c'était beau ça. Le silence devient spectacle. Et le spectacle, c'est Raiderskill. TV, là où l'ennui n'a jamais spawn. Oh, Raiderskill, the shadow and spark. Server's dark, lights flicker, but never fall. He's the legend. We stream it all. Les routes sont vides, mais son stream est plein. Plein de ceux qui rêvent d'un autre monde. Les loots tombent, les pixels vibrent. Dans le noir, sa voix est un phare. Il ne joue pas. Il compose en direct chaque soir. Rust, c'est son terrain, mais vous êtes le feu. Et tout ça, c'est...